Chaque lumière se brise déjà. Sous la pluie, mes mots résonnent. Chaque secret que je t'abandonne. Je marche seul, mais je souris. Chaque ombre glisse et me poursuit. Je suis un rail de ski, la voix qui guide. Chaque souffle nourrit mes rides. Je suis l'ombre et je suis le feu. Le battement gravé dans vos yeux. La nuit m'élève, la nuit succombe. chaque mot grave un battement. Je suis le chant qui franchit le temps. Je suis la flamme de vos instants. I am the pulse. Je suis le feu.